en sortira indemne si on fait les choses avec le cœur. Et même la mort nous fera pas peur. On combat nos erreurs sur une poutre, car quand il s'agit de se racheter, ben c'est beaucoup plus dur. On finira en poussière à l'usure du temps. Après cela je prie pour que tu aies le paradis en récompense. Sale temps dehors, tu restes enfermé dans ta baraque, assis à rien foutre. Prends le temps d'analyser ton crâne. Une remise en question de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça exaucera peut-être la moitié de tes pardons. Joue trop avec les flammes, trop avec le mal. Et on s'étonne que quand le degré augmente, on avancera de gré ou de force malgré les obstacles. Car l'effort et le travail payent, ça c'est normal. On a fait plus de fautes hier qu'aujourd'hui, ça progresse. Écoute et comprends ce que je dis, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. Je recommence comme la fin du premier. Écoute et comprends ce que je dis, c'est le chant des guerriers. Bénis aux combattants de la vie, à ceux que leur plus grande richesse signifie la famille et non le fric. À ceux qui sont fiers de leur origine, à ceux qui se contentent de peu malgré la tentation d'argent pourri, à ceux que l'argent salé bannit de leur vie, à ceux qui réfléchissent deux fois avant d'agir, à ceux qui ont toujours une lueur d'espoir, à ceux qui croient à la lumière malgré ce ciel noir, à ceux qui prennent de la sagesse avec l'âge, à ceux que leur vie est leur plus grand combat. J'ai laissé des mesures de silence pour rendre hommage aux anciens qui grâce à l'effort sont s'en sortis. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. J'entame le troisième couplet avec des principes et une touche d'espoir. Jamais 203. La réussite m'approie, observe l'ami, réfléchis, agis, à jeun, j'ai la dalle. Si, si, sous le ciel, sous bas monde, une vie synonyme de guerre, une bataille bien sûr, perdue d'avance. Je rappe sans stratégie, seulement un message à agir. Voilà où je fais mes preuves, comprends mes objectifs. La campagne à la Tessie, c'est le même discours, les mêmes pensées, les mêmes écrits, la même vie. C'est un pour la MIFA, un pour l'islam, c'est deux pour les frérots, deux pour les braves. La campagne à la Tessie, c'est le même discours, les mêmes pensées, les mêmes écrits, la même vie. C'est un pour la MIFA, un pour l'islam, c'est deux pour les frérots, deux pour les braves. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. On a voulu y croire, croire, on a voulu se battre, écoute, écoute, c'est le chant des guerriers. Écoute, c'est le chant des guerriers. À tous ceux qui avancent malgré leurs défauts, à tous ceux que la vie est un avant-goût de la suite, aux combattants de la vie, à ceux que le regard des autres leur importe peu. C'est le philosophe Sony, le chant des guerriers, 2008.